Alors, vous écoutez toujours Futur Simple sur les ondes de CKRL. On va rester dans les cieux et on va même aller bien plus loin que l'orbite terrestre. C'est d'ailleurs notre... Parce que ce vendredi... Un petit pépin qui est arrivé sur les ondes. Donc, je le disais, c'est même notre chroniqueur en astronomie, Éric Gagnon, qui va nous emmener au-delà de l'orbite terrestre. Bonjour, Éric. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de la Voie lactée. Oui, la Voie lactée qui est notre galaxie. Il faut voir qu'au départ, l'univers, selon nos croyances et nos connaissances, a été créé il y a 13,7 milliards d'années. Puis, dès les débuts de l'univers, vers le premier milliard d'années, dans la formation de l'univers, les galaxies auraient été formées. On sait que les galaxies, c'est l'endroit où les étoiles se forment. Depuis longtemps, on s'interroge sur la signification des galaxies. On sait que nous, on appartient à une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Puis, le nom de la Voie lactée vient d'une ancienne croyance. On a pensé pendant longtemps, sur la mythologie grecque, que la traînée blanchâtre qu'on voit au printemps et en été, que cette traînée blanchâtre-là viendrait d'une mythologie grecque. On a pensé que pendant longtemps, c'était du lait répandu dans le ciel. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas du lait qui est répandu dans le ciel, heureusement. On sait aujourd'hui que ce sont des millions et des millions d'étoiles qui sont rapprochées l'une de l'autre et qui fait la traînée blanchâtre qu'on a la chance d'observer à l'occasion au printemps et à l'été. Pourquoi seulement au printemps et à l'été? Pourquoi seulement le printemps et l'été? C'est la position de la Terre par rapport au Soleil fait que le bras qu'on voit, parce qu'on sait que la Voie lactée possède plusieurs bras, parce que la galaxie en soi, c'est une galaxie qui est spirale, qui possède plusieurs bras. À savoir combien il y a de bras dans la Voie lactée, c'est toujours hypothétique parce qu'on la voit de l'intérieur, jamais une image de l'extérieur, parce que on n'a pas les moyens techniques encore. Et que le bras, qui est le bras principal devant nous, est mieux positionné par rapport au printemps et à l'été pour l'observer. C'est pour ça qu'on voit mieux le bras. Puis le bras en avant s'appelle le bras de Sagittaire. Et que pendant longtemps, on s'imaginait que notre propre galaxie, qui s'appelle la Voie lactée, était l'univers. C'est seulement M. Edwin Hubble, en 1923, qui nous a permis de découvrir que la galaxie, la Voie lactée, c'est une galaxie parmi tant d'autres. Avant 1923, on a toujours pensé que tout ce qu'on voyait dans le ciel, à chaque moment, appartenait à notre galaxie. Et que quand Hubble nous a montré qu'on était une galaxie parmi tant d'autres, ça a réellement décupler la dimension de notre propre univers. Mais dis-moi, Éric, quand on regarde les constellations dans le ciel, bon, par exemple la Grande Ourse, est-ce que c'est des étoiles qui sont dans notre galaxie puis qui sont plus proches et donc on est capable de les dissocier? Oui, tout ce qu'on voit dans le ciel comme étoiles, planètes, constellations, fait partie de notre propre galaxie. Les seuls autres objets qui ne font pas partie de notre galaxie, c'est les autres galaxies. Les autres galaxies, il y a seulement une qu'on peut voir à l'œil nu, c'est la galaxie d'Andromède, qui est quand même assez loin, à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Et tous les autres objets, à part Andromède, qu'on voit à l'œil nu, fait partie de notre propre galaxie. Ça nous montre que la galaxie à nous est réellement immense. Puis de penser que la galaxie la plus proche est à 2,5 millions d'années, ça nous montre que l'univers est réellement immense dedans. La forme exacte de la Voie lactée, on la connaît plus ou moins, mais en observant les autres galaxies, on s'aperçoit que la majorité sont des galaxies spirales. Fait que on pense présentement que notre galaxie, ce serait une galaxie spirale, et on pense depuis quelques années que le noyau de notre propre galaxie posséderait un immense trou noir. C'est Einstein, dans les années 1905-1915, qui nous a montré que le trou noir, c'est pas seulement quelque chose d'hypothétique, mais quelque chose de réel. Et depuis quelques années, on observe vraiment des puissants rayons X, des rayons gamma, au centre de notre propre galaxie. C'est qu'une des seules certitudes qu'on a, c'est que oui, la Voie lactée est une galaxie et qu'elle possède un immense trou noir. On évalue présentement qu'il y aurait plus de 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, ce qui est réellement beaucoup. Et on pourrait penser peut-être que dans une année rapprochée, que la galaxie, la Voie lactée, pourrait peut-être se rapprocher aussi d'Andromède. On sait que depuis des milliards d'années, les galaxies sont toujours en interaction. Il y a toujours des fois à l'occasion des contacts d'une galaxie à l'autre. Et donc, il y aurait un risque de collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède. Oui, on situe ce contact-là autour de... quand même assez loin, dans 2,5 milliards d'années. Okay. On sait que la gravité joue son rôle un peu partout dans l'univers. Et étant donné qu'Andromède est réellement plus massif que notre propre galaxie, logiquement, on voit présentement la Voie lactée se diriger vers Andromède. Mais c'est quand même assez loin, c'est dans 2,5 milliards d'années, donc on peut réellement... C'est pas un danger imminent. Non. Mais il y a quelques petits trucs pour observer la Voie lactée. Évidemment, la Voie lactée, on peut l'observer surtout en printemps et en été. Idéalement, c'est s'installer sur une chaise longue pour être assis confortablement. Il faut s'habiller chaudement parce qu'en astronomie, on bouge pas beaucoup. Et que même en période estivale, c'est toujours conseillé d'amener un petit casse-croûte et une petite boisson chaude pour être capable là, d'observer de façon confortablement. Puis aussi sortir un peu de la ville. Oui, dans la région de Québec, on peut à l'occasion l'observer, mais la pollution lumineuse nous empêche un peu de pouvoir l'observer. Ouais. Que si vous sortez un petit peu de la région, ben, c'est quand même assez facile de pouvoir la discerner. À quel endroit qu'on peut la discerner dans le ciel? La Voie lactée est toujours visible au sud-est. Toujours au sud-est pendant le printemps et l'été. Et vous allez vraiment voir, c'est une immense traînée blanchâtre. On ne peut pas la manquer, c'est réellement là, très, très visible. Et si on prend des jumelles, qu'est-ce qu'on voit? Aux jumelles, on est capable de pouvoir les séparer un peu à l'œil nu. À l'œil nu, on n'est pas capable de voir, on n'est pas capable de distinguer la séparation des étoiles, mais avec une paire de jumelles, on est capable de voir plusieurs amas dans la structure, puis on est capable aussi de voir peut-être là, quelques petits objets intéressants aussi à observer. Donc, les gens qui désirent vouloir observer la Voie lactée, puis observer d'autres objets célestes, mais j'invite les gens à venir faire de l'observation. On va justement faire de l'observation cette fin de semaine, près d'Estonham. C'est gratuit. Donc, il y a tous les auditeurs de CKRL qui désirent participer. La Voie lactée est très, très visible présentement. Puis, il va y avoir plusieurs télescopes qui vont être disponibles là, à tout le monde. Donc, c'est une belle activité familiale. Et que si ça vous intéresse, vous voulez avoir de l'information sur cette activité-là. C'est fait par plusieurs clubs d'astronomie de la région de Québec. Et que vous pouvez communiquer avec moi au 682-01-84. Donc, 682-01-84. Donc, c'est une invitation lancée par les clubs de la région pour inviter tous ceux qui veulent assister à ce spectacle, finalement. Oui. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y aura aussi des télescopes sur place ou pas? Oui, il y aura plusieurs télescopes sur place. On va aussi observer une comète qui est visible présentement, la comète Elenium, qui est quand même très visible à l'œil nu. C'est vrai? Et on va pouvoir observer Mars, Saturne, on va pouvoir observer Jupiter. C'est qu'il y a beaucoup d'objets intéressants à observer. Mm-hmm. Et en même temps, le beau temps là, commence tranquillement à apparaître. Ouais, on va pouvoir là, profiter du beau temps, puis sortir nos télescopes, puis en même temps, admirer la beauté du ciel. Puis à propos de cette comète, tu dis qu'on la voit à l'œil nu, mais j'imagine que c'est juste un point à l'œil nu. À l'œil nu, on voit un genre de, on voit comme un genre de, d'une étoile avec un halo autour. D'accord, c'est dans quelle direction? C'est ça, on la voit présentement là, au sud-est, à peu près à 40 degrés d'hauteur, vers à peu près 10h30 le soir. Mm-hmm. Est-ce qu'on va l'œil nu, elle se discerne, mais c'est sûr que ça prend un œil un peu averti pour être capable de la discerner. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on va faire un plaisir de montrer aux gens où elle est située. Ouais. Et on va pouvoir passer des jumelles tout à fait gratuites là, pendant la soirée. On va avoir plusieurs jumelles qui vont être à la disposition des gens pour être capable de voir là, la comète. On sait qu'une comète, c'est une immense boule de neige là, qui est visible dans le ciel. Et on a à peu près une vingtaine de comètes à chaque année qu'on peut observer. Mm-hmm. Puis présentement, c'est une des plus visibles de cette année qu'on peut voir. Est-ce qu'avec les jumelles, on peut voir la queue? Oui. Oui? On peut voir là, facilement la queue de la comète. On sait que la queue de la comète est toujours en direction opposée du Soleil. Mm-hmm. Et une comète, généralement, fait plusieurs passages autour du Soleil. Et après plusieurs passages autour du Soleil, la comète est fondue. Et cette comète-là se voit se briser en plusieurs petits morceaux. Et ces petits morceaux-là vont rentrer en contact éventuellement avec l'atmosphère de la Terre et faire un beau spectacle qui sont les étoiles filantes. Oui, c'est ça, exactement. Donc, peux-tu nous rappeler où donner le rendez-vous pour ces observations? Oui, en fin de semaine, samedi et dimanche. C'est une belle invitation qu'on fait aux auditeurs de CKRL. Les clubs d'astronomie de la région de Québec s'unissent ensemble pour former deux belles soirées d'observation qui vont avoir lieu samedi et dimanche à partir de 20h près de la région du Tournan. Il n'y a aucun frais. Aucune connaissance est requise. C'est réellement une invitation pour les débutants. Mm-hmm. Et que c'est une belle activité familiale. Et que si vous voulez avoir de l'information plus précise, comment se rendre au lieu, ben, communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir de vous aider au 682-01-84. 682-01-84. Alors, merci beaucoup, Éric Gagnon, pour cette invitation. Puis lancer, donc, inviter les auditeurs de CKRL à partager les beautés du ciel avec les astronomes de la région. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Voilà, donc c'est une invitation lancée finalement, contempler les beautés du ciel. Je pense que nous, on va avoir le temps de partir tout de suite en pause musicale ou publicité. Je ne le sais pas vraiment, mais on va le savoir dans quelques instants. Musicale, on me dit. Donc en avant la musique sur CKRL au 89,1.